extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d'anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, monsieur Trainet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Extraordinaire, il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils font du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. Ils ont, monsieur le maire, elle se préfère. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui rencontre des artisans d'art d'exception en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Demain de Maître s'intéresse aujourd'hui à un métier rare, le métier de faiseur d'arbres. Il est lorrain, autodidacte et exerce un métier unique en France. Au cœur de son atelier La Licorne Verte, Hervé Maillon recrée la vie végétale. Demain de Maître, animé par Olivia. Hervé Maillon fabrique des arbres artificiels à partir de troncs d'arbres naturels ramassés en forêt et greffe des feuillages artificiels. L'Opéra de Rouen-Normandie, les Cristalleries de Saint-Louis, le Salon du Chocolat à Paris ou encore la chorégraphe Gisèle Vienne pour le Festival d'Avignon ont déjà fait appel à ses talents. Son entreprise a été labellisée Entreprise du patrimoine vivant et fait partie de l'association Lorraine Terre de Luxe. Grâce à son savoir-faire unique en France, tout est possible. Du bonsaï de l'érable de 12 mètres, en passant par le chêne, l'olivier et autres fruitiers, sans oublier les murs végétaux et les jardins intérieurs. La licorne verte, c'est qui, c'est quoi ? Je suis Hervé Maillon. C'est un atelier qui fabrique des arbres semi-naturels sur le village d'Alain, à côté de Colombey-les-Belles. En Lorraine. On fabrique des arbres qui sont de toutes dimensions. C'est-à-dire du petit qui ressemble à un bonsaï jusqu'au plus grand qui font jusqu'à 12 mètres de haut et 2 tonnes. Vous étiez dessinateur industriel, puis directeur commercial dans l'import-export, avant de devenir faiseur d'arbres. Comment est née l'aventure La Licorne Verte? C'est suite à une demande d'une personne qui était sur Paris, que je connaissais très bien et qui avait un club de fitness. Il souhaitait décorer son club et il ne trouvait rien de correct et de beau, suffisamment beau pour mettre à l'intérieur de son club. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais te fabriquer tes arbres. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé par fabriquer des arbres et puis qui ont plu. Et puis maintenant, je n'arrête plus d'en faire. Alors oui, vous fabriquez des arbres artificiels à partir de troncs d'arbres naturels que vous ramassez en forêt, auxquels vous greffez ensuite des feuillages artificiels. Racontez-nous. Il faut bien dire une chose, je ne les ramasse pas toujours en forêt. Je ramasse certaines choses en forêt qui sont tombées et qui m'intéressent. Mais principalement, non. C'est des arbres qui sont coupés, qui sont prévus à être coupés dans la forêt. Mais il faut que ce soit des arbres vivants. Tout simplement parce que je ne travaille pas sur des arbres pourris. Et souvent, ce sont d'ailleurs des arbres dont personne ne veut, qui sont un peu tortueux, sinueux, qui sont laissés à l'abandon. Oui, c'est ce qu'on appelle des loups. Ce sont des arbres dont personne ne veut, tout simplement parce qu'ils sont complètement tordus, donc on n'en fera rien. Mais par contre, à l'intérieur d'une maison, ou à l'intérieur d'un hall, à l'intérieur d'un supermarché, ces arbres-là, ils sont élégants. Alors justement, Hervé Maillon, racontez-nous un petit peu les différentes étapes. On va se déplacer dans l'atelier pour que vous nous montriez comment se forme un arbre artificiel. Donc là, on est sur la commande qui va partir à Pretoria. L'arbre a été cherché en forêt d'Alain. Oui. Donc je suis allé dans la forêt repérer l'arbre qu'il me fallait. Ensuite, on est allé le couper. Et ce que j'appelle la carcasse, c'est-à-dire il y a le tronc, la tête qui correspond aux trois branches charpentières sur lesquelles viennent se greffer d'autres branches qui sont rajoutées pour finir avec des branches plus petites et plus longue pour me permettre de me finir l'ossature complète, qui va me permettre de regreffer le feuillage artificiel dessus. D'accord. Le tronc, on est allé le chercher. Mmh. On a ramené tout ça ici. J'ai commencé de faire tout le montage. Ensuite, une fois que le montage a été terminé, il est reparti au traitement. C'est-à-dire que j'ai fait subir un traitement au bois de manière à tuer toute la vermine à l'intérieur. Ensuite, je remonte l'arbre et je greffe. Là, je vais percer pour mettre un axe. Donc, pour que l'arbre tienne. Pour que l'arbre tienne, que les branches se tiennent. Oui. Et les branches sont coupées d'une certaine façon pour qu'elles se calent. Là, donc, je vais mettre sur ma perceuse un forêt de 28, parce que je mettrai un axe de 26 mm de diamètre dans le bois, oui, pour qu'il tienne. D'accord. Hein, il faut que ce soit costaud quand même. C'est mieux. Surtout vu la hauteur finale, parce que ça fait combien en tout ? Ça va faire 6 mètres de haut, et l'envergure fait 6 mètres. Et voilà, c'est percé. Mmh. Donc, je vais couper l'axe. Je vais mesurer la profondeur dont j'ai besoin en axe, sachant que j'ai percé aussi déjà la branche qui va venir sur le tronc. Et puis, on mettra l'axe dedans. Avec la meule. Avec la meule, oui. Attention aux étincelles. Hein. J'éloigne. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étincelles. Hein. Oui, bah oui, il faut les couper quand même, les ronds qui font 25 de diamètre. Donc là, vous avez coupé. C'est quoi l'étape suivante ? Là, je vais remettre dans la tête de l'arbre l'axe, oui, et je vais remettre la branche dessus. D'accord. Et voilà. Il me reste à repréparer des branches qui vont compléter l'arbre pour étoffer l'arbre, quoi. Les branches, je les coupe. Voilà. Là, maintenant, il faut que je les tourillonne. C'est-à-dire que j'ai tous les forêts à bois possibles. Ça va du 1 mm, hein, quand il faut mettre une feuille, jusqu'au 40 mm de diamètre, là où il faut mettre une branche. Donc, je prends un cutter, je fais tout à la main. Je tourillonne la branche pour pouvoir la mettre dans le trou qui va être fait sur la plus grosse branche pour rajouter. Donc en fait, vous enlevez l'écorce finalement. Oui, systématiquement, oui. J'enlève l'écorce. Et quand j'ai des branches qui sont plus grosses, quand elles font 60, 70 cm, il y en a, hein, je remets un axe ou je les tourillonne aussi. Je prends la scie, je démarque à peu près 4 à 5 cm de longueur. Là, c'est une toute petite branche. Et je vais regarder dans le gabarit, mmh, qui est là. Alors pour les auditeurs, j'ai en fait un tronc d'arbre avec des différents trous, c'est ça, hein ? C'est ça, oui. Et vous êtes en train de regarder, comme pour les enfants, à quel diamètre est le bon. Il va aller. Donc là, on a 18 mm, il y a trop d'espace. Mmh. 16 mm, il ne rentre pas. Mmh. Donc il faut retailler pour que ça rentre à 16. Il ne faut pas se couper, hein. Oui, oui, effectivement, vous maniez le cutter comme un couteau, hein. Il faut faire ça bien rond. Parce que les branches tiennent tout seules. Encore un petit peu, peut-être? Oui. Un petit peu sur l'extrémité, là. Troisième essai. Et là, ça passe. Hein. Ça passe tout seul. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un forêt de 18 sur ma perceuse. Oui. Et je vais aller percer sur l'arbre pour pouvoir positionner cette branche. Là, je vais la mettre là. Oui, donc c'est comme si c'était le prolongement de l'arbre. Voilà, je prolonge l'arbre pour lui donner sa forme. Oui. Parce que il fait 6 mètres, mais c'est pas à plat. Donc c'est une demi-sphère. Voilà, il faut qu'il y ait toutes les dimensions. Il faut qu'il y ait toute la dimension de 2D, 3D, comme si on allait en forêt. Voilà, comme si vous alliez en forêt. Donc là, le trou est fait, prêt à accueillir une nouvelle branche. Eh bien, la branche que je viens de tailler, donc elle viendra là. Voilà, elle sera mise comme ça. Maintenant, je vais la repérer. Donc la marquer, en fait, faire un marquage. La marquer. À l'aide de quoi? D'un cutter? Et vous avez quoi d'autre sous la main, là? Un marqueur rouge? Un feutre rouge. Pour l'opéra de Rouen, tout a été marqué au fer chaud. Pour le pommier. Pourquoi le fer chaud? Pour les pommiers. Parce que les branches restent toujours des branches. Quand vous avez 5 pommiers différents, il faut les identifier différemment. Parce que si vous mélangez toutes les branches, puisque tout est démontable, vous ne saurez jamais les remonter. Hein. Donc tout est identifié. D'accord. En l'occurrence, ça c'est la branche B. Oui. Donc ça, on a le numéro 1, on a le numéro 2, il doit y avoir un numéro 3, ça sera un numéro 4. Ah oui. Voilà, donc vous notez le numéro 4. Numéro 4. C'est B, fini ensuite 4. Ah non, après il faut mettre quand même les feuilles dessus. Hein. Ah oui, alors les feuilles. Là j'ai cinq perceuses visseuses, sur lesquelles il y a un forêt différent sur chaque. D'accord. De manière à pouvoir vous adapter, travailler plus vite. Oui. Et suivant le diamètre de la branche. Parce que vous voyez, il y a des fois, les diamètres, les extrémités de branche, là, on est à peu près 5 mm. C'est tout fin. C'est tout fin. Donc, je vais percer à 3. Oui. Vous voulez essayer? Hein? Je vous laisse faire, c'est vous l'artisan d'art, c'est vous le professionnel. Je voudrais pas casser la belle création. Et donc là, vous mettez les feuilles. Là, je mets les feuilles. Donc là, là, c'est des feuilles artificielles. C'est des feuilles artificielles, hein. C'est du plastique, ça. Et ça, c'est du polyester. Je vais découper là, je vais percer là, je vais percer là, je vais percer là. Donc je prends la pince et je coupe parce qu'il y a du fer à l'intérieur dans le plastique. Et donc ? C'est armé. C'est pour que ça se tienne. Et là, vous reprenez un peu le cutter pour... Après, je reprends le cutter pour retailler mon plastique, le ramener à 3 mm, puisque je vais mettre de la colle chaude. La colle déborde, elle est dedans. Tout est fait comme ça. Pourquoi avoir pris le parti de recréer la vie végétale ? Qu'est-ce qui vous inspire dans votre métier ? Alors, j'ai recréé la vie végétale tout simplement parce que le métier me demandait. C'est les architectes qui m'ont demandé de créer des arbres à l'intérieur. J'ai aussi proposé de réaliser des arbres de grande dimension, ce qui était très osé parce que quand on m'a demandé si je pourrais réaliser des arbres de 12 mètres de haut et de 2 tonnes, c'était pas évident, ça s'était jamais fait. C'est à Atlantis, à Nantes. Et mon cursus de dessinateur industriel, de responsable au niveau de l'assurance de la qualité dans le nucléaire, malgré tout, hein, m'ont bien servi à faire tout ça. Alors justement, vous avez parlé d'Atlantis. C'est quoi Atlantis ? C'est donc un projet à Nantes. Alors le projet, il a été créé en 99, donc ça va faire 17 ans. Et là, il y avait 4 arbres réalisés de 12 mètres de haut. Ils sont rentrés dans un hall qui faisait 16 mètres. Les arbres ont fait une envergure de futaie de 7 mètres. Et leur poids approximatif était de 2 tonnes. Je crois que, autant que je me souvienne, il y avait 78 000 feuilles sur un arbre. Parce que dans l'atelier qui est derrière, là-bas où je travaille, les feuilles touchaient le plafond, touchaient les murs et touchaient le sol. Rien que la tête de l'arbre. Alors un projet comme ça aussi fou, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous travaillez comme ça, à la fois des produits, semi-naturels, des produits issus de la forêt, et puis aussi des produits plus artificiels? Qu'est-ce qui vous touche? C'est le rendu de l'arbre et puis le plaisir que les gens ont à recevoir l'arbre que j'aurais fabriqué. C'est de savoir qu'ils sont contents. Mais c'est pas facile de donner de l'élégance à l'arbre et qu'il soit joli. Parce que pour réaliser un arbre de cette dimension-là, ça va qu'il y avait la tempête de 99, mais pour réaliser un arbre de 12 mètres, il en faut au moins 5 ou 6 des arbres pour tirer ce qu'il faut de bon dedans. Et le temps que ça vous a pris pour réaliser un tel projet ? C'est environ 250 heures par arbre. Oh, c'est un travail de titan. Oui, bah oui. Là, celui que je suis en train de faire là, pour partir en Afrique du Sud, ça va être cette semaine aussi, parce que c'est l'équivalent. Et on peut en parler de ce projet-là pour l'Afrique du Sud ? C'est quoi la commande ? C'est un chêne. Là, il n'y en a qu'un à faire. Quoi. Donc, c'est pas 4. C'est pas des érables, c'est un chêne. Mmh. Et donc, je vais partir en Afrique du Sud au mois d'août. Ça fait 30 ans que vous travaillez en tant que faiseur d'arbres. Vous êtes autodidacte. Ça n'a pas été facile tous les jours. Non, ça n'a pas été facile tous les jours parce que déjà, c'est un métier à part, donc qui n'existait pas. On trouvait des petits arbres de petite dimension, mais des arbres qui dépassaient 3-4 mètres, ça ne se faisait pas. En plus, ça se faisait sur des troncs en plastique ou des troncs en béton pour Disneyland, mais jamais sur des arbres naturels qu'on va chercher en forêt. Ça a été compliqué. J'ai eu la chance de faire des travaux de très belle qualité et le bouche à oreille a parlé pour moi. Est-ce qu'on peut parler justement de votre commande pour l'opéra de Rouen-Normandie ? C'était quoi ? Alors l'opéra de Rouen, c'est le jardin d'Éden qui a été fait. Là, il y a 5 pommiers qui sont réalisés pour la prochaine scène qui va ouvrir au mois de septembre. Donc c'est des pommiers qui font 5 mètres de haut et qui ont des formes bien spéciales. C'est-à-dire c'est vraiment du travail sur mesure. Le scénographe voulait que ce soit de telle façon, de manière à ce que la cantatrice puisse s'asseoir sur une branche. Donc tout est fait en fonction d'eux. J'attends que tout se mette en place pour leur demander des photos et je pourrai les remettre sur le site internet. Dans la forêt d'Alain, en hommage à la forêt, parce que la forêt d'Alain était la première ressource financière du village. Avec la tempête de 99, tout a été détruit. Oui. En 2012, avec Lorraine Terre de Luxe, on a eu un challenge. On avait 12 designers, 12 manufactures. J'ai eu un artiste designer qui s'appelait Fabrice Langlade qui était avec moi et qui m'a proposé la réalisation de Monsieur. Monsieur, c'est un assemblage d'arbres au milieu de la forêt, dans une clairière, qui est tuteurisé avec des grands tuteurs qui font jusqu'à 16 mètres de haut. De rouge. Rouge, peint couleur... couleur corail plutôt que rouge. Mmh. Pour dire qu'on on soigne la forêt, on la panse, donc on la panse avec des pansements, puisqu'on a rajouté des plâtres, on a rajouté des armatures, donc les tuteurs qui la supportent, et c'est un assemblage de 7 essences principales de la forêt. Les essences sont le chêne, l'érable, l'érable sycomore, l'alisier terminal, le charme, qu'est-ce que j'ai mis, du hêtre, du frêne et l'érable commun. Cet ensemble-là est visible dans la commune d'Alain. Il fait 24 mètres de haut. Mmh. C'est un ensemble qui fait 70 tonnes avec l'armature au sol. Il y a l'histoire qui est racontée au pied parce que j'ai rajouté un poster qui raconte l'histoire. Ça vous a demandé combien de temps pour faire tout ça ? Alors cette réalisation-là, elle a été faite en collaboration avec 17 entreprises qui sont venues bénévolement pour certaines. J'ai payé quand même toutes les assurances. Ça n'a coûté 0 centime à la commune, il faut bien le dire. Ça n'a coûté qu'à moi. C'était une commande express, travail non-stop. Bah oui, parce que j'avais d'autres travail à faire. Quoi. Donc en 15 jours de temps, on a commencé le 1er juillet, le 15 juillet, c'était fini. Et on peut encore l'avoir maintenant à Alain ? Et on peut l'avoir à Alain. Donc tous rendez-vous à Alain. Alors il faut vous donner rendez-vous et vous suivez les totems orange dans le village. Au croisement en direction de Crépé, vous avez un premier totem. Et puis vous suivez les totems, vous arriverez directement à l'œuvre d'art. Vous avez aussi travaillé pour un salon du chocolat à Paris. Racontez-nous. Oui, c'est Event, les organisateurs du salon du chocolat à Paris qui m'ont appelé pour me demander de réaliser des cacaoyers qui sont sur la Côte d'Ivoire et puis qui sont partis au Ghana. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je vais faire demain. Hein, ce que j'ai en cours, pour moi, c'est presque déjà du passé. C'est le projet de demain qui m'intéresse. C'est de rencontrer l'artiste, parce que j'ai travaillé beaucoup, avec beaucoup d'artistes. Hein. J'ai travaillé pour Beaubourg, Paris. J'ai travaillé pour le Frac de Sète. J'ai travaillé pour Pierre Ardouvin. J'ai travaillé pour Fred Sattal. J'ai travaillé pour plein de gens, plein de centres d'art contemporain, plein d'opéras. Hein. Le Festival d'Avignon, il y a plein pour une chorégraphe, Gisèle Vienne. Pour Gisèle Vienne, donc, qui est très connue. Hein. Gisèle, maintenant, ce sont tous des gens qui sont devenus des amis. Quoi, hein. On se rencontre, on se voit. Dernièrement, j'ai entendu Pierre Ardouvin à France Inter, interviewé à France Inter. Je lui ai passé un mail, un SMS, et il était tout content de savoir que j'allais, en l'occurrence, à Pretoria et que je venais de faire aussi le Japon. Et justement, le Japon, on peut en parler. C'est quoi la création que vous avez fait pour le Japon ? J'ai réalisé un sakura, c'est un cerisier en fleurs du Japon, où ça demande beaucoup de recherche, dans la mesure où il faut trouver les fleurs. C'est des fleurs roses, c'est ça ? Rose et blanche. Rose et blanche. Rose et blanche, qui n'est que 5 pétales, et qui n'est pas de feuilles vertes à l'intérieur. Donc j'ai trouvé les produits, et je vais remonter un arbre, et cet arbre tourne dans toute l'Europe pour représenter le Japon, puisqu'il est sur le stand de l'Office de tourisme du Japon. Quelle différence faites-vous entre votre métier, que l'on qualifie de faiseur d'arbres, de créateur d'arbres semi-naturels, et celui de parurier floral ? Parurier floral, je ne sais pas trop, parce que je suis qualifié comme ça par les métiers d'art. Bon, c'est des gens qui doivent fabriquer des fleurs. Moi, je ne les fabrique pas. Tous nos produits sont importés. Et c'est sélectionné de manière à ce que mes clients soient satisfaits des produits. Quand il n'y a pas, je fais fabriquer certaines choses. Je demande à des importateurs de haut niveau de me fabriquer les produits, de me chercher les produits. Et tout ce travail-là vous a permis d'obtenir un célèbre label. Racontez-nous. Oui, c'est le label Entreprise du patrimoine vivant. Je suis à Lorraine Terre de Luxe parce qu'on a été pris par la région et mandaté par la région pour représenter la Lorraine au niveau français et au niveau mondial. On a des produits qui sont d'extrême qualité. Nous ne sommes pas que des artisans d'art, nous sommes aussi des manufactures d'exception. Et c'est-à-dire, par exemple, pour l'opéra de Rouen-Normandie, combien de temps ça prend pour réaliser une telle création? Alors là, j'ai mis à peu près un mois et demi. Alors que d'autres personnes, je ne dénigre pas, parce qu'il faut voir le travail qui est fait. Pour certains arbres, ont 7 heures de travail à faire pour sortir un arbre, quoi. Donc ça n'a aucune comparaison avec moi. Vous, c'est vraiment le parti de recréer la vie végétale, tout en prenant soin de recréer au plus près la nature, de respecter la nature. Respecter la nature, oui. C'est un peu une devise, c'est presque aussi vrai que nature, quoi. Quelle qualité, selon vous, Hervé Maillon, faut-il pour être faiseur d'arbres? Alors, avoir un certain sens artistique, quand même. Bien observer la nature, ne pas être pressé, et puis donner l'élégance à l'arbre. Ils doivent être élégants, les arbres, quand on les réalise. Ils doivent être beaux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien? Déjà, ça ne me déplaît pas de venir travailler encore et d'être utile. Et de savoir que ce que je vais faire, ça plaira aux gens. Et puis rencontrer les gens. Je rencontre des artistes, je rencontre des architectes, je rencontre des simples personnes qui viennent s'inquiéter de ma situation. Et je reçois tout le monde. Donc, L'échange, le relationnel et puis... Relationnel, oui. Avoir toujours en relation avec quelqu'un. J'aime les gens, donc... Justement, si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs, quel serait-il? Eh bien que, sans qualification, on peut arriver à faire quelque chose. Il suffit d'avoir la volonté, de ne pas confondre recettes et bénéfices. De beaucoup travailler de aussi. De beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De se dire demain qu'est-ce qu'on va faire pour continuer d'y arriver. Vous êtes toujours animé par cette création, par cette... Oui, j'ai toujours envie de faire autre chose, faire découvrir autre chose aux gens. De leur apporter un peu d'émerveillement, un peu de féerie, un peu de poésie aussi, hein. Ça, pour certaines choses. Justement, est-ce que vous vous souvenez de la réaction de certains de vos clients quand ils reçoivent la création? Alors, le dernier que je viens de faire, là, mon client m'a dit « mais c'est magnifique ». C'était quoi? Ben, c'est un pommier et un pêcher. Donc il me à reste Nancy, un... c'est ça? À Nancy, oui. Si les auditeurs veulent aller voir justement vos créations, à Nancy par exemple, ce sera où? C'est dans le bar Les Arcades et au Génie. C'est un... Place Saint-Èvre à Nancy. C'est un pommier qui fait 5 mètres d'envergure de futaie. Quelle couleur? Et... Alors les pommes, elles sont rouges et jaunes. Mm-hmm. Et puis le pêcher, ben, il est dans l'angle, c'est un petit pêcher rouge. Donc le pommier, c'est la tentation. Et le pêcher, c'est la gourmandise. 3 mots pour résumer votre métier. Passion, patience... Et puis, joie de voir les gens contents. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement? Là, je vais être sur les Champs-Élysées. Mm-hmm. Pour une journée. Pour une commande de... Pour une commande spéciale, un événementiel. Mm-hmm. Après, je serai à Pretoria, mais là, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va venir me voir. Ça sera compliqué pour, justement, votre fameuse commande... Qui est en cours, là. Et qui, en deux mots, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit d'un mur végétal, d'un chêne, et puis d'un décor dans un magasin à sushi. Et après, on m'a demandé hier si je voulais aller à Bombay et à Dubaï. Voilà, en l'occurrence, c'est pas signé, c'est pas fait, mais il y a plein de projets. Plein de projets pour un métier qui est quand même peu connu, donc on espère que d'autres personnes seront intéressées, et peut-être, qui sait, d'autres faiseurs d'arbres verront le jour en Lorraine et en France. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Hervé Maillon de m'avoir reçu dans votre atelier La Licorne Verte. Merci Hervé Maillon de La Licorne Verte. Retrouvez toutes les créations de La Licorne Verte sur la page Facebook de Main de Maître, ainsi que le podcast sur la page de Main de Maître de la radio Fadjet. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour la dernière émission avant la pause estivale. À très bientôt sur de Main de Maître et Radio Fadjet.